إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 28 dans l'explication et la lecture du livre Haqiqatul Wala et Wal Bara fil Kitab et Sunnah, la réalité de l'alliance et du désaveu selon le Coran et la Sunnah. Et c'est écrit par le Cheikh Issam ibn Abdullah Sinani et c'est relu et préfacé par notre Cheikh, le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah. Donc on est rendu toujours au point numéro 6, hein, et ce point numéro 6 c'est des points ou des principes qui comprennent des réfutations des shubuhat, des gens du takfir et des khawarij qui essaient d'utiliser la question de al-wala ou al-bara pour faire le takfir des dirigeants musulmans ou le takfir des ulama ou le takfir des musulmans en général et également donc on a vu jusqu'à maintenant on est arrivé au point numéro 8 on est arrivé au point numéro 8 et le point numéro 8 c'est justement le fait qu'on doit préserver que l'islam ordonne de préserver le sang des koufars le plus possible dans le but de les appeler à la guidance et je pense que c'est tout à fait approprié actuellement justement de mentionner la question du fait de préserver le sang même des koufars, c'est-à-dire de préserver leur vie et de ne pas porter atteinte à leur vie puisque yani, bien entendu on a déjà parlé de ça et on va en reparler aussi que l'islam nous ordonne justement de respecter les ententes de paix qui existent entre les musulmans et les koufars et également de préserver leur sang. Donc ça c'est un point qui va être traité dans le principe numéro 10. En principe ça devrait être expliqué dans le point numéro 10. Mais je pense que avec qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine à Woolwich et en Angleterre, c'est-à-dire à Londres, que ce serait quelque chose de bien d'en parler quand même aujourd'hui. Et Inch'Allah, on va donc... je ne sais pas ce que vous en pensez. Soit qu'on le fait maintenant, soit qu'on le fait maintenant et qu'on parle de ce point-là dont je viens de parler, on le laisse pour la semaine prochaine. Ou bien, on en parle tout de suite et on fait cette partie la semaine prochaine. Je pense que ça va faire une sorte de mélange ou de décalage dans l'ordre des cours. Donc, toute façon, c'est dans le même sujet. Qu'est-ce qu'on a expliqué à la fin du cours de la semaine passée? On a parlé du fait de préserver les koufars, de ne pas porter atteinte à leur vie. Et juste peut-être mentionner le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yani, man qatala mu'ahadan » لم يرح رائحة الجنة من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة من مسيرة 40 عاما. Donc, يعني celui qui tue un kafir avec lequel il y a une entente de paix, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et l'odeur, son odeur, elle se retrouve à des distances de 40 ans, hein, 40 années. Et donc ça, c'est des textes qui mentionnent donc la menace pour celui qui tue ou qui porte atteinte à un kafir. Comme qu'est-ce qui s'est passé à Woolwich ou ailleurs, ça c'est des choses qui sont totalement haram, et il y a même le consensus des savants de l'islam à travers les siècles qui montre et qui établit que ce genre d'acte, c'est quelque chose qui est totalement haram. Donc on va lire les textes à ce sujet-là et mentionner juste quelques paroles de ulama pour clarifier, puis on revient donc au chapitre ou au point, au principe numéro 8. Le Cheikh il dit: Inna l'islam harrama iraqata dima ahl al-zimma wal-mu'ahadin wal-mustamanin idha waffu bi-zimmatihim wa-ahdihim wa-amanihim waja'ala al-muslim alladhi yaf'alu dhalika mu'ridan li-a'zami al-wa'id mu'ridan لأعظم الوعيد ولم يكن ذلك مناقضا لعقيدة الولاء من الكافرين وبغضهم. Donc le cheikh il dit que l'islam a interdit de faire couler le sang des kuffars qui vivent parmi les musulmans, parmi les gens qu'on appelle Ahlul Zimma, ou de faire couler le sang des c'est-à-dire de faire couler le sang des kuffars qui vivent dans les pays musulmans, et le sang des kuffars qui ont une entente de paix avec les musulmans, ou qui viennent dans les pays musulmans en sécurité avec un visa ou bien avec une protection. Donc dans ce cas-là, ces gens-là doivent être protégés, et on n'a pas le droit de porter atteinte à leur vie. Donc pour les musulmans qui vivent chez les kuffars, eh bien c'est la même chose, ils doivent respecter, parce que entre nos pays et le pays de ces gens-là, il y a des ententes internationales, des ententes diplomatiques, des ententes de paix, et donc c'est pas permis à un musulman de porter atteinte à ces gens-là. Et tant qu'ils respectent leurs ententes, nous on doit respecter leurs ententes également, hein. Et s'il y a de la part d'un d'entre eux une agression contre un musulman, et ça ne brise pas l'entente générale qu'on a entre nous. C'est seulement celui qui a fait l'agression qui est responsable de ce qu'il a fait, et non pas tous les kuffars. Et la même chose pour un musulman. Si un musulman fait un crime contre un kafir, ben c'est pas tous les musulmans qui sont coupables, qui sont responsables de ce crime-là, mais c'est bien entendu la personne qui l'a fait seulement. Hein? Donc ça, c'est très important de comprendre. Et le cheikh il dit que l'islam a mis sur la personne qui commet ce genre de crime, c'est-à-dire qui porte atteinte à la vie d'un kafir qui est sous la protection d'une entente de paix, le musulman qui agit comme ça, il est sous une grande menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire ce genre de principe-là, et d'accepter ou de croire qu'on n'a pas le droit de porter atteinte à la vie de ces non-musulmans qui ont une entente de paix avec les musulmans, ça ce n'est pas quelque chose qui oppose la croyance ou la aqida de Al-Wala wal-Bara, et que c'est pas quelque chose qui vient non plus en opposition et en contradiction avec le fait de se désavouer des kuffars et de les détester pour Allah. Bon, dans le sujet, il y a plusieurs hadiths qui sont mentionnés. L'imam al-Bukhari l'a rapporté dans le chapitre « Ismu man qatala mu'ahadan bighayri jurmin » c'est-à-dire le péché de celui qui tue un kafir, un non-musulman qui a une entente de paix avec les musulmans sans qu'il ait commis un crime. Et également un autre chapitre « Bab ismu man qatala zimmiyan bighayri jurmin » c'est-à-dire celui qui tue un zimmi, c'est un chrétien ou un juif qui vit dans un pays musulman, hein, sous les conditions de ce pays musulman-là, et qui paie la jizya et ainsi de suite. Donc, l'imam al-Bukhari il a mis un chapitre dans son livre qui s'intitule comme ça. Et il dit wa an Abdullah ibn Umar ou Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama. Donc c'est un hadith comme on a dit qui est rapporté par al-Bukhari dans le chapitre al-Jizya wal-Muwada'a et dans Kitab Diyat. Donc ce hadith-là qui dit que, comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui tue un non-musulman qui a une entente de paix avec, qui est sous la protection d'une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis malgré que son odeur peut se sentir jusqu'à 40 ans. D'accord? Donc ça c'est une menace très, très sévère pour celui qui agit de cette façon-là. Le problème avec les Khawarij et les Takfiriyin qui commettent ce genre d'action-là, c'est que la plupart d'entre eux ne reconnaissent même pas yani, l'autorité des pays musulmans et des dirigeants musulmans. Et la plupart d'entre eux, ils déclarent les pays musulmans comme étant des pays koufars. Et donc, ils pensent que, yani, par conséquent, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a plus aucune entente qui tient. Donc, selon eux, il n'y a plus aucune entente de paix qui existe. Hein? Donc, yani, ce sont des gens qui prônent les lois de la jahiliya et le chaos. Allah musta'an. L'imam Abu Daoud il a rapporté également dans le chapitre Bab al-Wafa bil Mu'ahad wa hurmatu zimmatihi wa an-Nasa'i fi Bab ta'zim qatl al-Mu'ahad wal-lafz lahu. عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. Donc ça c'est la version de l'imam Abu Dawood et An-Nasa'i dans le chapitre le fait de respecter يعني la de respecter la protection qu'on donne à ce non-musulman-là qui est dans un pays musulman et qui est sous l'entente de la protection, ou bien celui qui vit dans son pays, mais qui vit dans un pays justement qui est non-musulman, mais qui est en paix avec les pays musulmans. Donc il faut respecter son sang, et son sang est sacré. Yani pour le musulman de la même manière que le sang du musulman. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Dans An-Nasa'i le chapitre s'intitule Ta'zim ou Qatl al-Mu'ahad, la gravité de tuer le non musulman qui est sous l'entente de la paix. Et il dit, et donc cette formulation c'est la formulation de celle qui est rapportée dans An-Nasa'i. Il dit que c'est rapporté selon Abi Bakra que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui tue une âme qui est sous la protection d'une entente de paix sans que ce soit pour quelque chose qui le rende halal, c'est-à-dire que la personne ait commis par exemple un crime ou un meurtre, qu'elle soit coupable d'un meurtre puis qu'elle a été jugée pour ça et qu'elle a été jugée coupable. Parce que souvent c'est vous allez voir des textes de la charia qui mentionnent par exemple que telle ou telle personne doit être exécutée selon l'islam ou doit être punie selon l'islam, ou que lorsqu'elle commet un crime elle doit être exécutée, des choses de ce genre, ou bien que quelqu'un ne doit pas tuer une âme excepté pour un droit. Donc quelqu'un qui entend ça, il ne doit pas s'imaginer que l'islam permet à quiconque d'exécuter un individu. Dans l'islam, il y a il y a une autorité, il y a un dirigeant, il y a des représentants de ce dirigeant-là, il y a des tribunaux, il y a des juges, et eux, ils sont chargés d'attraper ces gens-là, avec les policiers et ceux qui sont représentants d'une autorité, de les arrêter, de les amener en cour, de les amener devant le juge. Et cette personne-là, elle doit être jugée hein, et les témoins doivent être présentés, et les preuves doivent être amenées. Et lorsqu'on a établi que cette personne est coupable et qu'elle a commis le crime et qu'elle a été jugée par ce juge-là, hein, d'après les principes de la charia, eh bien dans ce cas-là, l'autorité va établir cette peine qui a été établie par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager sallallahu alayhi wa sallam sur cet individu-là, et c'est pas des sauvages dans la rue qui peuvent se donner le droit ou la permission de d'implémenter ces règles-là. Même chez les koufars, il y a personne qui fait ça. Marcher dans la rue, voir quelqu'un qui vole ou qui fait un crime et qui le prend et puis qui décide de le tuer par lui-même. Yani, celui qui fait ça, c'est un fou. On va le mettre dans une asile. Hein? On va pas seulement le mettre dans une prison, on va le mettre dans un hôpital psychiatrique. Donc les gens qui agissent comme ça, yani, et qui se disent musulmans et qui prétendent faire ça au nom de l'islam ou au nom de du djihad ou au nom de la charia, ces gens-là sont des malades ou bien ce sont des fous ou bien ce sont des égarés comme parmi les khawarij par exemple, les gens qui pensent qu'ils peuvent appliquer la charia alors que la charia déjà en partant elle est contre eux, hein, et la charia nous ordonne de que eux soient punis, hein. Déjà c'est la punition pour celui qui fait ça, c'est justement qu'il soit puni et qu'il soit exécuté. Donc comment quelqu'un peut penser qu'il veut établir la charia en contredisant la charia? Déjà ça c'est la plus grande des contradictions. Il y a une autre version qui a été rapportée également, rawa Ahmad wa Ibn Majah wa sahahahu al-Hakim wa Ibn Hibban an Amr ibn al-Hamiq radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. Donc cette version et cette narration elle est rapportée par Ahmad et Ibn Majah dans Kitab al-Diyat, le chapitre من أمن رجلا على دمه فقتله. Celui qui a donné la protection à un homme puis qui lui a donné la protection dans son sang, hein, et puis qu'il l'a tué. Il est rapporté également dans Sahih ibn Hibban, dans Kitab al-Jinayat, et le chapitre est intitulé Dhikr al-Zajr an Qatl al-Mar' man amanahu ala damihi. C'est-à-dire de rapporter la réprimande qui a été faite de celui qui tue un individu après l'avoir protégé dans son sein. Et il est rapporté également dans Al-Mustadrak de l'imam Al-Hakim dans le chapitre des peines et des punitions, et le lafz, c'est-à-dire la formulation qui est rapportée ici, c'est la formulation qui est rapportée par l'imam Ibn Hibban, et le hadith a plusieurs chaîne de transmission plusieurs fois. Donc qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il est rapporté donc comme on l'a dit par ceux qu'on a mentionnés selon Amr ibn al-Hamiq et radiyallahu anhu, et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout homme qui a donné à un homme la protection dans son sein, c'est-à-dire qu'il a donné sa parole, hein, qu'il allait respecter sa vie et le protéger, puis qu'ensuite il le tue, alors il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, alors moi je suis innocent, hein, je me désavoue de celui qui l'a tué, c'est-à-dire je me désavoue du tueur, même si la personne tuée, même si la victime est un kafir, c'est-à-dire même si la victime, celui qui a été tué, est un mécréant. Ensuite, c'est rapporté Rawa Abu Dawud fi bab fil adu yu'ta ala ghirra sahahahu al-Hakim an Abi Hurayra an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-iman qayyad al-fatk la yaftiku mu'minun. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح باب إثم من قتل ذميا بغير جرم كذا ترجم بالذمي وأورد الخبر في المعاهد وترجم في الجزية بلفظ من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم انتهى كلامه. Donc, la dernière narration qui est rapportée par Abu Daoud dans le chapitre Al-Adou Yu'ta ala Ghirra, c'est authentifié par Al-Hakim selon Abi Huraira que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Iman, نعم, Al-Iman qayyada al-Fatk, wa la yaftiku mu'minun. Il faudrait que je retourne pour voir l'explication, parce qu'il dit ici, c'est rapporté dans le Sunan de Abu Dawud, Kitab al-Jihad. Il est authentifié dans Al-Mustadrak de l'imam Al-Hakim, selon Abi Huraira. Wa sayati ba'da qalil tafsir al-Baghawi. Al-Fatku an yuqtala man lahu amanun fuj'atan. Donc, Al-Fatku, c'est de tuer quelqu'un qui est sous notre protection par surprise. Donc ça c'est qu'est-ce qui a été expliqué. On va lire l'explication tout de suite de l'imam al-Baghawi dans son charh. Il dit ذهب بعض من ضل في رأيه وزل عن الحق إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا وفتكا فأبعد الله هذا القائل وقبح رأيه من قائل وذهب عليه معنى الحديث والتبس عليه طريق الصواب بل قد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن الفتك أن يقتل من له أمان فجأة وكان كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعين عليه أحدا ولا يقاتله ثم خلع الأمان ونقض العهد ولحق بمكة وجاء معلنا معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه في أشعاره ويسبه فاستحق القتل لذلك. نعم. دونك donc c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le croyant ne tue pas quelqu'un par surprise. Ne tue pas quelqu'un par surprise. Parce que Al-Fatk, c'est que quelqu'un qui a une entente de paix soit tué subitement ou par surprise. Et c'est exactement ce que les Khawarij font. Yani, comme quand ils attaquent quelqu'un dans la rue, comme ils ont fait à Woolwich par exemple, c'est la même chose. Ils voient un kafir qui est dans la rue, même si c'est un soldat, il ne s'attend pas à se faire attaquer. Hein, et il saute sur lui comme ça et yani, il l'attaque. Et dernièrement, là aujourd'hui, j'ai entendu qu'un autre événement semblable s'est produit à Paris aujourd'hui, donc à la Défense. C'est pour dire que c'est une technique maintenant que les Khawarij utilisent, Al-Qaïda et d'autres, toutes les tendances de ce groupe, ils attaquent maintenant des kuffars comme ça dans la rue subitement, puis ils décident de les tuer, et ils ont comme argument ou comme shubha qu'ils font ça pour venger les morts qui arrivent dans les pays musulmans à cause des guerres qui se produisent là-bas, hein, de la part des kuffars. Et donc, ça c'est un argument totalement rejeté par rapport à l'islam, puisque le fait que les kuffars, par exemple, tuent des individus musulmans dans les pays musulmans, ça c'est pas une justification de tuer nous aussi de cette façon-là. Hein? Puisque si eux ils font de l'injustice, ça ne nous permet pas d'en faire nous aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit de faire de la transgression. Et en même temps aussi, si les koufars font ça dans les pays musulmans, dans un certain contexte, eh bien le contexte dans les pays ici, ce n'est pas du tout le même contexte, puisque dans ces pays-là où il y a de la guerre, eh bien le contexte c'est la guerre. Tandis que ici, c'est un contexte de paix, et donc on ne peut pas appliquer les règles qui s'appliquent dans ce contexte-là à un autre contexte. Donc ça c'est très important, puis aussi la différence c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il attaquait les koufars, quand il faisait le djihad contre les koufars, il annonçait ouvertement qu'il les attaquait, qu'il faisait la guerre contre eux. Et c'est le dirigeant qui fait ça. Et c'est le responsable dans les pays musulmans qui fait ça. C'est pas des groupes ou des individus dans la rue. Sinon c'est le chaos, hein. Et les répercussions de ce genre d'action-là, de la part des koufars contre les musulmans, va se faire sentir. Et tout ça, c'est les musulmans qui vont payer le prix à cause de l'acte de ces écervelés et de ces gens faibles d'esprit qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, yani, la réalité de la situation actuelle des musulmans. Donc, ayant lu ces quelques hadiths-là, on va pas continuer, mais on va lire le chapitre là où on était rendu, puis au prochain cours on lira la suite de ce qu'on a lu des hadiths et de leur explication au prochain cours, inshallah. On expliquera les détails de ce qu'on a lu sur ces hadiths au prochain cours. Donc pour revenir donc au sujet, on était rendu sur le plan de yani, le fait qu'on doit préserver le sang et les biens des kuffars le plus possible dans le but de faire en sorte que Allah les guide à l'islam. On a mentionné les preuves de ça au dernier cours avec l'exemple de Abu Sufyan. On a mentionné l'exemple d'Abu Sufyan lorsqu'il a été pris, puis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est entré à la Mecque et qu'il n'a pas fait couler le sang des mouchriquines, il ne s'est pas vengé comme ce que les Khawarij aujourd'hui font, dans les pays non musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent des koufars sous prétexte de vouloir venger les musulmans. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conquis la Mecque et qu'il avait la capacité de venger tout ce que les koufars avaient fait depuis le début de l'islam et de les exterminer, de faire couler leur sang dans la rue, il n'a pas fait ça. Au contraire, il a dit à tout le monde, celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan, il est en sécurité. Celui qui jette son arme, il est en sécurité. Celui qui ferme sa porte de sa maison, il est en sécurité. Et il n'a pas fait couler le sang de personne. Il n'y a pas eu une goutte de sang qui a coulé, alors qu'il était en force et qu'il était avec son armée et qu'il aurait pu ordonner à ses sahaba de combattre. Mais il leur a donné la paix. Et donc ça, c'est la preuve que l'esprit de l'islam, c'est pas l'esprit de vengeance, c'est pas l'esprit de remettre le mal pour le mal, mais c'est le fait de vouloir guider les hommes à la foi, de vouloir ramener les hommes au tawhid et de les amener à se soumettre à leur créateur et de les appeler au paradis éternel et de les sauver de l'enfer. C'est ça le message de l'islam. Donc le deuxième point qu'on va parler aujourd'hui, c'est le point au sujet des biens, de l'argent. Le cheikh, il mentionne le verset 60 dans sourate Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal ghamirina wa fi sabil wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que as-sadaqat, l'argent de la zakat, c'est uniquement pour les pauvres et les indigents, les gens dans le besoin. Wal amilina alayha, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour ramasser la zakat, وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ C'est-à-dire ceux qu'on veut rapprocher, ceux dont on essaie de rapprocher les cœurs à l'islam. وَفِرْرِقَابُ C'est-à-dire les esclaves pour les aider à se libérer. وَالْغَارِمِينَ Ceux qui sont lourdement endettés. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ Ceux qui qui luttent dans le sentier d'Allah. Et Ibn Sabil, c'est-à-dire les voyageurs qui n'ont pas d'argent. Donc ça c'est une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah est omniscient et sage. Donc le cheikh il rapporte, il dit وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim. C'est rapporté selon Ibn Shihab que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a conquis donc la Mecque le jour de la victoire, le jour de la conquête de la Mecque. Puis ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ceux qui étaient avec lui et ils ont combattu à Hunayn, et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à sa religion et aux musulmans. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné ce jour-là à Safwan ibn Umayya 100 chameaux, puis un autre 100, puis un autre 100, ça veut dire en tout 300 chameaux. Ibn Shihab, il dit, Saïd ibn Musayyib a rapporté que, il m'a dit que Safwan ibn Umayya, ce jour-là, a dit, par Allah, le messager d'Allah m'a donné, il m'a donné ce qu'il m'a donné, alors qu'il était la personne que je détestais le plus. Il était pour moi la personne la plus détestable. Mais il a continué à me donner jusqu'à ce qu'il devienne l'homme le plus aimé pour moi. Donc, c'est pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même il donnait des richesses et beaucoup d'argent, beaucoup de biens à des mouchriquins et à des kuffars dans le but de les rapprocher de l'islam. الشيخ الجي وقال المجد بن تيمية في شرحه وبشرحه النيل في الجزء الرابع الصفحة 233 باب المؤلفة قلوبهم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة رواه أحمد بإسناد صحيح انتهى كلامه. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, également, et le titre du chapitre c'est le messager d'Allah n'a pas été demandé quelque chose, une chose quelconque, puis qu'il a dit ensuite non, c'est-à-dire il n'a jamais refusé quand on lui demandait quelque chose. Et il rapporte donc Al-Majd ibn Taymiyyah, c'est-à-dire le grand-père de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il mentionne dans son livre Al-Muntaqa, avec son charh Nail al-Awtar, le volume 4 à la page 233, il dit le chapitre de ceux dont on veut rapprocher les cœurs. Selon Anas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été demandé quoi que ce soit pour que quelqu'un se convertisse à l'islam, excepté qu'il lui a donné. Et un homme est venu le voir et lui a demandé, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commandé qu'on lui donne à cet homme des moutons, parmi les moutons de la zakat, et ils lui ont donné la quantité de moutons qui couvre l'espace entre deux montagnes. Donc c'est pour dire la quantité de moutons qu'il a reçu. Et il est retourné à son peuple en disant: « Ô mon peuple, convertissez-vous à l'islam ou acceptez l'islam, car Muhammad est un homme qui donne de la façon de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. » Hein? Et c'est rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Fin de la citation. Il dit ensuite: وقال ابن قدامة في المغني والمؤلفة قلوبهم ضربان كفار ومسلمون وهم جميعا السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم فالكفار ضربان أحدهما من يرجى إسلامه فيعطى لتقوى نيته في الإسلام وتميل نفسه إليه فيسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أعطى صفوان بن أمية الأمان واستظهره صفوان أربعة أشهر لينظر في أمره فاستنظره صفوان أربعة أشهر لينظر في أمره وخرج معه إلى حنين فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العطايا قال صفوان مالي قال صفوان مالي فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى واد فيه إبل محملة فقال هذا لك قال صفوان هذا عطاء من لا يخشى الفقر والضرب الثاني من يخشى شره ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه وروي عن ابن عباس أن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن وإن منعهم ذموا وعابوا انتهى كلامه. Donc Ibn Qudama, il mentionne dans Al-Mughni, le volume 9 à la page 317, que Al-Mu'allafati Qulubuhum, ceux dont on veut rapprocher les cœurs, sont de deux catégories. Il y a ceux qui sont musulmans et ceux qui sont kuffar. Et le cheikh, il dit que dans les deux cas, ce sont les hauts placés et les gens qui sont à la tête de leur peuple, hein, qui sont les chefs dans leur peuple ou dans leur tribu, et ceux qui sont obéis. C'est-à-dire ceux qui ont une influence sur le reste de leur peuple. Et le cheikh, il dit donc, parmi les koufars, ils sont de deux catégories, c'est-à-dire on a le droit de donner aux koufars, et il dit, parmi les koufars, il y a deux catégories à qui on donne, ceux dont on espère qu'ils se convertissent à l'islam, donc on leur donne dans le but de raffermir et de renforcer leur intention de se convertir à l'islam, pour qu'ils penchent vers la conversion et qu'ils se convertissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette méthode le jour de la conquête de la Mecque avec Safwan ibn Umayya. Il lui a donné la sécurité, puis il lui a demandé, c'est-à-dire Safwan a demandé de lui laisser un temps pour qu'il puisse prendre sa décision. Donc il a demandé 4 mois pour regarder et réfléchir, observer les choses. Et le jour de Hunayn, il est sorti dans la bataille de Hunayn avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné plein de choses. Et Safwan a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam mon bien, c'est-à-dire où est mon bien, ou qu'est-ce que c'est mon bien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un signe avec sa tête pour lui montrer une vallée dans laquelle il y avait plein de chameaux. Et il a dit, ça c'est à toi. Alors Safwan a dit, ça c'est le don de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Hein? Donc ça c'est l'exemple, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé les biens du butin des musulmans pour faire en sorte à ce que cette personne se convertisse. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait très bien que si Safwan ibn Umayya devient un musulman et qu'il devient sincère dans son islam, et bien que par la suite, ça va ramener beaucoup de bien pour les musulmans et pour l'islam. Et comme c'est mentionné dans un hadith aussi, de la part de quelqu'un justement, il a dit au début, je me suis converti à l'islam parce que je voulais de l'argent, ou je voulais des biens. Puis, l'islam est entré, l'amour de l'islam est rentré dans mon cœur par la suite et je suis devenu musulman par sincérité. Donc, c'est pour dire que même si quelqu'un au début, lorsqu'il devient musulman, il devient musulman parce qu'on lui a donné quelque chose et que c'était pas sincèrement pour Allah, mais par la suite, il corrige son intention en apprenant l'islam et en comprenant plus l'islam et il se met à l'aimer réellement et à être sincère dans son intention. Donc, c'est ça qui est important. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre exemple. Il dit que la deuxième catégorie de kuffar à qui on donne, c'est la catégorie de ceux dont on craint le mal. C'est-à-dire des gens mauvais dont on craint le mal, donc on leur donne pour les diminuer dans le mal qu'ils font. Et yani, il dit, ça c'est l'exemple des dons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à certains pour faire en sorte qu'ils diminuent leur mal ou pour les faire cesser de faire du tort à d'autres. Et ça c'est rapporté par Ibn Abbas, que des gens ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il donnait à des gens. Et quand il leur donnait, ces gens-là disaient du bien de l'islam, ils glorifiaient l'islam. Ils disaient, ah, ça c'est une belle religion, une bonne religion. Et lorsqu'on leur donnait pas, ils commençaient à critiquer l'islam et à blâmer l'islam. Hein? Ça c'est la fin de la citation. Et si vous regardez dans le tafsir du verset, dans Surat Al-Hajj, justement, le verset qui dit, Udkhulu fi s-silmi kaffa. Eh bien, vous voyez que, je pense bien que c'est ce verset-là, il y a cette explication de ce verset qui est mentionné. Que quand on leur donne, ils sont contents. Quand on leur donne pas, ils commencent à blâmer l'islam. Allah Mustaan. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, elle a mentionné ça aussi dans son livre, As-Siyasa Shar'iyya, volume 1, à la page 217. Il dit, وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ نَوْعَانْ كَافِرٌ وَمُسْلِمٌ فَالْكَافِرُ إما أن ترجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذ لا يندفع إلا بذلك والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا الخوف إلا لخوف أو لكناية العدو أو كف ضراره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك فالأعمال بالنيات. فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويسرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال. وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة انتهى كلامه. Donc le cheikh, cheikh l'islam, il dit que ceux dont on cherche à rapprocher les cœurs sont deux catégories, les musulmans et les koufars et les musulmans. En ce qui concerne les koufars, c'est ceux dont on souhaite, en leur donnant un bienfait pour les musulmans et pour l'islam, ou de repousser un mal quelconque qui ne pourrait être repoussé que par cela. Ou, yani, comme il dit, et le musulman, c'est le musulman qui est écouté et obéi, et dont on souhaite, en lui donnant, un bienfait quelconque aussi, comme le fait qu'il devienne meilleur dans son islam, ou l'islam de son, des gens de sa catégorie, ou de ses semblables, c'est-à-dire qu'il améliore son degré dans l'islam, qu'il devienne meilleur. Ou, yani, awjibayatil mal, mimman la yu'tihi illa li khawf. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire ici. Il dit, ou bien de faire un tort à l'ennemi, ou de cesser de faire en sorte qu'il cesse de faire du tort aux musulmans, si on sait qu'il ne va pas s'arrêter de le faire, excepté lorsqu'on lui donne. Et cette catégorie de dons, même si en apparence ça ressemble aux dons que donnent les dirigeants, c'est comme si on donnait aux chefs ou aux têtes, mais qu'on ne donnait pas aux faibles, comme le font les rois. Il dit, mais les actions, bien entendu, dépendent de leurs intentions. Et si l'intention derrière ça, c'est de faire un bienfait pour la religion et pour les musulmans, dans ce cas-là, ça reste dans la catégorie des dons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses khulafa ont donné. Mais si le but de faire ça, c'est de chercher l'élévation sur terre et de faire du désordre, comme les dons que donnait Pharaon, hein, alors ça, c'est bien entendu, c'est pas correct. Mais ceux qui renient ou qui nient ce genre d'attitude ou de ce genre de comportement, c'est-à-dire de donner à ceux qui peuvent représenter disons, si on donne à ceux qu'on veut rapprocher parmi les gens haut placés, les gens importants parmi les kuffars, ou bien ceux qui, par exemple, sont musulmans, mais que ils sont importants et on veut les aider à améliorer leur islam, des choses de ce genre. Donc ceux qui voient ça comme étant quelque chose de mauvais, et que ceux qui ont une mauvaise compréhension de la religion, comme Dhul Khuwaysira, eh bien c'est ça ce qu'on a vu de sa part quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séparé le butin et qu'il a donné par exemple à Safwan ibn Umayya ou bien à d'autres personnes, alors qu'il y a des sahaba qui sont meilleurs, hein, qui sont des grands sahaba. Donc pourquoi il n'a pas donné à ceux-là et qu'il a donné à un mushrik, ou bien qu'il a donné à des musulmans qui sont plus faibles dans leur foi que les muhajirines et les ansars par exemple. Donc c'est pour ça que Dhul Khuwaysira, il est venu et puis il commence à critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, oh Muhammad, sois juste parce que tu n'as pas été juste, hein? Et de même que ceux qui sont sortis parmi les gens qui l'ont suivi, les khawarij, et qui ont blâmé Amir al-Mu'minin Ali radiallahu anhu d'avoir voulu accepter le jugement dans le but d'arriver à une entente et une réconciliation, et il a accepté d'enlever son titre Amir al-Mu'minin. De même qu'il n'a pas voulu prendre de prisonnières parmi les femmes musulmanes et parmi les enfants. Donc ceux-là ont blâmé Amir al-Mu'minin la même manière que Dhul-Khuwaysira avait blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon d'avoir divisé le butin, hein, eh bien les Khawarij, c'est ça leur méthode, et ceux-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les combattre parce qu'ils ont une religion qui, une compréhension de la religion, une religion qui est corrompue. Et avec cette religion-là qu'ils ont, eh bien tu ne peux rien établir de bon, ni dans la dunya, ni par rapport à l'au-delà. Ça, c'est la fin de la citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit ensuite, Cheikh al-Islam, il dit ensuite dans Majmu' al-Fatawa, le volume 28 à la page 579. ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش كعيينة ابن حصن والعباس ابن مرداس والأقراء ابن حابس وأمثالهم وبين سهيل ابن عمرو وصفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وأبي سفيان ابن حرب وابنه معاوية وأمثالهم من الطلقاء الذين أطلقهم عام الفتح ولم يعطي المهاجرين والأنصار شيئا أعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين والذين لم يعطيهم هم أفضل عنده وهم سادة أولياء الله المتقين وأفضل عباد الله الصالحين بعد النبيين والمرسلين والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته وعمتهم أغنياء لا فقراء فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم ويدع عطاء من عنده من المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل ومثل هذا وبمثل هذا طعن الخوارج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أولهم يا محمد اعدل فإنك لم تعدل وقال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ما أريد بها وجه الله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. Donc on va traduire cette partie. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans le Majmu' Fatawa, le volume 28 à la page 579, lorsque l'année de Hunayn est arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a distribué les butins de Hunayn entre les gens dont il voulait rapprocher le cœur, parmi les gens de Najd et ceux qui avaient été laissés libres parmi les gens de Quraysh, hein, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit antum tulaqa, c'est-à-dire vous êtes ceux qui êtes, vous êtes libres, hein, je vous libère. Il n'a pas pris de prisonniers parmi eux et il n'a pas non plus tué aucun d'entre eux. Il ne s'est pas vengé, il n'a pas fait couler le sang. Parmi eux, il y avait Uyayna ibn Husn, wa al-Abbas ibn Mirdas, wa al-Aqra ibn Habis, et des gens de cette catégorie-là. Et il y avait aussi Suhail ibn Amr, et Safwan ibn Umayya, et Ikrima ibn Abi Jahl, et Abu Sufyan ibn Harb, et son fils Muawiya, et des gens de cette catégorie. Hein, ceux qui avaient été libérés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la conquête de la Mecque. Et c'est à eux donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné du butin. Et il n'a rien donné aux muhajirines et aux ansar, rien du tout. Hein? Il a donné à ceux de la Mecque et à ceux du Najd, il leur a donné pour rapprocher leur cœur à l'islam et pour faire en sorte qu'ils s'accrochent plus à l'islam, parce qu'il y a un bienfait général pour les musulmans dans ça. Mais ceux à qui il n'a pas donné sont meilleurs qu'eux. Ce sont même les plus élevés parmi les awliya d'Allah, parmi les rapprochés d'Allah et ceux qui craignent Allah. Et ils sont les meilleurs d'entre les serviteurs d'Allah, parmi les pieux, après les prophètes et les envoyer. Hein? Et ceux à qui il a donné, parmi eux, il y en a qui ont apostasié de l'islam avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la plupart d'entre eux sont déjà riches. Hein? Ils ne sont pas pauvres. Malgré tout, il leur a donné. Hein? Et il leur a donné pourquoi ? Pour le bienfait, pour le bienfait général des musulmans et de l'islam. Donc si le fait de donner à celui qui a un besoin était prioritaire au fait de donner pour l'intérêt général, hein, et le bienfait général, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas donné à ses riches, hein, et à ses chefs et à ses têtes et à ceux qui sont obéis parmi les gens de ces tribus-là. Hein. Et il n'aurait pas délaissé non plus le fait de donner à ceux qui étaient avec lui parmi les muhajirines et les ansars, qui sont dans un plus grand besoin et qui sont meilleurs qu'eux. Et c'est à cause de ce genre de choses que les khawarij ont critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier d'entre eux, Dhul Khuwaysira, il a dit: oh Muhammad, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Et il a dit: ceci est une distribution des biens pour laquelle on n'a pas voulu le visage d'Allah. Hein? Donc il accuse l'intention, même la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant qu'il n'a pas donné ça pour le visage d'Allah. Hein? Et aujourd'hui, les khawarij, ils agissent de la même manière. Les khawarij aujourd'hui, ils agissent de la même manière. Quand ils voient par exemple que dans certains pays musulmans, il y a des injustices sociales, ou que c'est toujours les dirigeants ou les hauts placés qui ont du luxe ou des belles choses ou de l'argent ou des belles voitures, hein, et qu'ils font parfois des péchés, ils mettent ça de l'avant et ils utilisent ça pour les critiquer pour appeler les gens à se rebeller contre eux, hein. Contrairement à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire, c'est-à-dire d'écouter et d'obéir dans le bien, et d'être patient face à ces injustices-là, et de donner la nasiha en privé aux dirigeants si c'est possible. Mais au lieu de ça, ils se révoltent. Donc ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il mentionne ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Dhul Khuwaysira, il lui a dit: malheur à toi, si moi je ne suis pas juste, qui donc autre que moi sera juste? Et tu es certes un perdant, hein, si je ne suis pas juste. فقال له بعض الصحابة: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه يخرج من ضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أيما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وفي رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقتل الذين قاتلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم فأخرجوا عن السنة والجماعة وهم قوم لهم عبادة وورع وزهد ولكن بغير علم فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم وهذا من جهلهم فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله فكلما كان الله أطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى وعطاء احتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك وإن كان الثاني أحوج. انتهى كلامه. Donc, le Cheikh, il explique que les Sahaba, lorsqu'ils ont entendu cet homme-là dire cette parole, les Sahaba ont dit, ô messager d'Allah, laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite avec mon épée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a arrêté ce sahabi, il a dit, de cet homme, de la base de cet homme, vous allez voir sortir des gens dont vous allez mépriser, l'un d'entre vous méprisera sa prière par rapport à leur prière, et il méprisera son jeûne à côté de leur jeûne, et il méprisera sa récitation du Coran à côté de leur récitation. C'est-à-dire que les sahaba, ils méprisent leurs adorations à côté de l'adoration des khawarij, parce que ce sont des gens extrémistes dans l'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, et ils réciteront le Coran sans que cela ne dépasse leur gorge. Ils lisent le Coran sans compréhension. Et il dit ensuite, yamruquna min al-islam, ils sortent de l'islam plus vite que la flèche lorsqu'elle a traversé sa proie. Yani, lorsqu'elle a traversé sa cible, et elle ressort de l'autre côté sans qu'il y ait aucune trace dessus. Aynama laqituhum, peu importe où vous les rencontrez, alors tuez-les, c'est-à-dire combattez-les. Bien entendu, ça c'est pour le dirigeant des musulmans. C'est à lui de donner la peine à celui qui la mérite. Et si ce sont un groupe de Khawarij qui ont des armes et qui sont armés et qui attaquent les musulmans, dans ce cas-là, c'est aux dirigeants d'envoyer l'armée pour les combattre et pour les arrêter. Donc il dit, peu importe où vous les trouvez, alors combattez-les, tuez-les, parce qu'il y a une récompense pour quiconque les tue au jour de la résurrection. Il y a une récompense auprès d'Allah pour quiconque les tue au jour de la résurrection. Donc tous ces gens-là qui prétendent faire yani le djihad, parce que c'est ce qu'ils prétendaient faire contre les sahaba, ils prétendaient qu'ils faisaient le djihad, et bien ces gens-là, yani c'est des khawarij qui combattent les musulmans. Dans une autre narration, il dit, si je les avais rencontrés, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je rencontrais ces gens-là qui vont venir plus tard, eh bien je les aurais exterminés comme le peuple de Had a été exterminé. Ça c'est rapporté, on va en parler dans les chapitres qui vont suivre. Ceux-là par la suite, ces Khawarij sont apparus à l'époque de Ali, c'est là qu'ils sont sortis pour la première fois, à l'époque de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et Ali radiyallahu anhu les a combattus, il les a tous combattus. Malgré que c'est des gens qui faisaient beaucoup de jeûnes, beaucoup de salats, beaucoup de récitations du Coran, des gens très religieux, malgré ça, il les a combattus. Et il les a fait sortir de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ce sont des gens, malgré qu'ils ont beaucoup d'adoration, beaucoup de retenue par rapport à qu'est-ce qui est yani, douteux dans la religion, que ce soit des choses qui sont même si c'est pas haram, mais il y a des doutes, ils s'en écartent. C'est des gens qui ne s'attachent pas au bien de la dunya, comme des soufis. Ce sont des gens pieux, en apparence, comme des soufis, mais sans aucune science. Et c'est pour ça que tu trouves beaucoup d'entre ces gens-là, parmi les khawarij, à la base, ce sont des soufis. C'est ce que j'ai constaté, yani, tu vois, beaucoup d'entre ces gens-là qui sortent, ils sortent des milieux où les gens sont remplis d'idées et de croyances soufis, et qui n'ont pas de connaissance de la aqidah et du manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'ah, et ils tombent dans l'extrémisme, dans la religion. Et c'est pour ça que tu les vois souvent, beaucoup de gens parmi les gens de Jama'at Tablir, ou les gens de yani de Diobandiya, ou les gens de, par exemple, des Turq Soufiyah, comme Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, même Ben Laden. On a dit que sa famille au Yémen, c'était des soufis. Et également, Abdel Salam Yassine au Maroc. Ceux qui suivent Abdel Salam Yassine, c'est un soufi. Et bien, tu les vois s'opposer aux dirigeants et appeler à la rébellion contre le roi du Maroc. Et d'autres également. Beaucoup d'entre ces gens-là, c'est des soufis. hein, et Taliban, la même chose, Taliban en Afghanistan, c'est des soufis, hein, c'est des soufis, c'est des diobandis, hein. Donc beaucoup de ces gens-là, tu les vois, en apparence, ils te montrent non, l'islam c'est la paix, l'islam c'est ci et ça, et ils montrent qu'ils aiment tout le monde, alors que ce sont des loups avec des peaux de mouton en réalité en arrière, hein, et c'est eux qui souvent sont deviennent des extrémistes et des terroristes par la suite, Allah al-Musta'an. Et après, ils accusent les salafis, que ce sont les salafis qui font de l'extrémisme, Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est les ruses de ces gens-là, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il dit que Ali radiallahu anhu, donc, les a combattus. Et malgré leur religiosité et leur piété, mais parce qu'ils n'ont pas de science, ils tombent dans l'extrémisme, et ainsi de suite. Donc il dit que, donc pour revenir au sujet du fait de donner de l'argent à des non-musulmans pour les rapprocher de l'islam, ou à des gens qui sont pas des bons musulmans, qui sont pas nécessairement des bons musulmans, mais parce que le fait de les rapprocher de l'islam et de les aider à s'attacher à l'islam, ça aura une conséquence plus bénéfique pour les musulmans en général. Eh bien, ça c'est prioritaire que de donner à ceux qui ont un besoin ou qui sont pauvres parmi les musulmans. Et ça c'est quelque chose qui est important, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prenait lorsqu'il faisait le djihad contre des peuples, ou lorsqu'il faisait affaire à des gens de d'autres peuples, et qu'il voyait que dans ces peuples-là, il y avait des gens importants, des gens au pouvoir, et qu'il prenait le contrôle de ces régions-là ou de ces endroits-là, il n'essayait pas d'enlever les gens qui sont au pouvoir pour les remplacer par d'autres. Il essayait de faire en sorte que ce soit eux qui étaient là avant, qui restent encore au pouvoir, et il les appelait à l'islam. Parce que lorsque tu essaies de changer la tête de ceux qui sont là au pouvoir, eh bien c'est là qu'ils vont essayer de se rebeller et de se révolter. Mais s'ils voient qu'en acceptant l'islam, ils ne vont rien perdre de ce qu'ils avaient auparavant, et qu'ils vont toujours avoir le pouvoir, et qu'ils vont être toujours à la même place, eh bien, ils vont avoir encore plus d'attachement pour l'islam, encore plus d'amour pour l'islam. Et le but, c'est ça. Le but, c'est pas de faire en sorte que les gens soient enlevés de leur position ou les remplacer par d'autres. Le but, c'est d'établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit, par exemple, bon ça y est, moi j'arrive, et puis c'est moi qui vais être le chef, et maintenant je vais remplacer tous ceux qui sont au pouvoir quelque part, je les enlève et je les remplace par quelqu'un d'autre. Non, hein? Au contraire, il a laissé ces gens-là, il les a honorés même, il leur a donné. Hein? Tandis que d'autres parmi les sahaba qui étaient plus en besoin, et qui étaient pauvres, et qui avaient besoin, et qui étaient plus dans la nécessité que ces gens-là, il ne leur a rien donné. Pourquoi? Parce qu'il sait que ceux-là, déjà, ces sahaba, ils ont déjà la foi forte, et qu'ils n'ont pas de doute dans leur foi, et dans leur pratique de l'islam, et dans leur connaissance. Et donc, même si eux méritent plus, ils ne leur donnaient pas. Parce qu'ils voyaient le bienfait de l'islam en général. Donc, même si, c'est ça qu'il dit ici le cheikh, il dit, même si le fait de donner, donc, ceux parmi les khawarij qui ont vu ça, eux, ils voyaient ça comme de mauvais œil. Pourquoi ils donnent aux riches? Pourquoi ils donnent de l'argent aux riches? Ceux qui ont déjà de l'argent et du pouvoir, ils leur donnent, et les pauvres, ils leur donnent pas, hein. Donc, ils s'imaginaient que c'était pas correct de faire ça, hein. Et que, c'était pas une division juste, وهذا من جهلهم. Et ça, ça fait partie de l'exemple de leur ignorance, il dit. Parce que le fait de leur donner, c'est selon le bienfait qui va en découler pour la religion d'Allah. Donc, plus une personne, elle est obéie, et plus que la personne peut être bénéfique pour la religion d'Allah, plus que c'est nécessaire de lui donner, et plus que c'est une priorité de lui donner. Tandis que de donner, de donner à quelqu'un qui va faire en sorte que la religion va être établie et que les ennemis apparents de l'islam vont être écrasés et que la religion va être élevée, ça c'est plus important de faire ce don-là, dans ce but-là, que de donner à celui dont ce ne sera pas le cas. Même si l'autre il a un plus grand besoin de cet argent là, mais le bienfait général est pas le même. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jugeait la situation de cette façon là, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné de distribuer le butin de cette façon là par une sagesse. Mais il y en a des gens, bien entendu, quand ils ont peu de il y en a des gens, ils ont de la foi. Ils ont une foi, ils pratiquent, mais ils ne sont pas intelligents. Allah ne leur a pas donné l'intelligence et la compréhension, malheureusement. Donc ils ne voient pas les choses en profondeur, ils voient les choses juste sur la surface, de façon superficielle, juste en surface. Et ils vont pas essayer de juger les choses en profondeur et de comprendre ce qui est derrière les choses. Et tu les vois comme ça, souvent ces gens-là tomber dans l'exagération et l'extrémisme. Et ils font des jugements rapides sur les gens sans réfléchir. Le cheikh il dit ensuite: وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تفسير القرآن العظيم. في تفسير القرآن العظيم يقول: أما المؤلفة قلوبهم فأقسام، منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركا، قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي. وكما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا ابن عدي أنبأنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به. ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل، قال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. Donc on va lire jusqu'ici. L'imam Ibn Kathir il mentionne dans le tafsir du verset 60 dans surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les catégories de gens à qui on donne la zakat. Il mentionne parmi eux al-mu'allafati qulubuhum, c'est-à-dire ceux de qui on cherche à rapprocher les cœurs à l'islam. Et il explique dans le tafsir, le volume 2 à la page 349, en ce qui concerne ceux dont on cherche à rapprocher le cœur, ils sont de différentes catégories. Parmi eux, il y a ceux à qui on donne pour qu'ils se convertissent à l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Safwan ibn Umayya des butins de Hunayn, et il avait participé à la bataille alors qu'il était mushrik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à lui donner jusqu'à ce qu'il devienne la personne qui est la plus aimée pour lui, alors qu'auparavant il était la personne qu'il détestait le plus, comme l'imam Ahmad l'a rapporté selon Saïd ibn al-Musayyib avec la chaîne de transmission, yani que Safwan ibn Umayya a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Hunayn, il m'a donné. Il était la personne que je détestais le plus, et lorsqu'il m'a donné, il est devenu la personne que j'aime le plus. Hein? Et il dit, et il y en a d'autres à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné dans le but de raffermir leur islam et d'améliorer leur islam pour que leur cœur soit plus ferme sur l'islam. Comme le jour de Hunayn, il a également donné à certaines têtes parmi les haut placés et les nobles de Quraysh, Iyani leur a donné une centaine de chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte dans Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, يعني إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان الاستسلام وكان على الاستسلام وصحيح مسلم تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. Donc il mentionne dans ces deux chapitres يعني le fait de donner à quelqu'un dans le but de le rapprocher de l'islam alors qu'il sent que dans son cœur la foi est faible. Donc il donne pour raffermir leur foi. Yani, comme il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc ici il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je donne à un homme, pourtant, yani, d'autres que lui sont plus aimés de moi. C'est-à-dire, je donne à un homme, alors que j'aime l'autre à qui je n'ai pas donné plus que lui. Mais je le fais par crainte que Allah le jette dans l'enfer sur son visage, hein, dans le feu de l'enfer. Donc, c'est-à-dire, pour éviter que cet homme-là tombe dans le feu de l'enfer sur son visage, que Allah le jette dans l'enfer, eh bien, il lui donne de cet argent-là pour raffermir sa foi, pour être épargné de l'enfer. Donc, c'est par miséricorde qu'il lui donne. Hein? Et c'est-à-dire que si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donne à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il l'aime plus qu'un autre. Et ça, c'est un point important aussi. Et Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. C'est-à-dire que si Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fait que quelqu'un est riche dans cette dunya, qu'il a beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire qu'il aime cette personne. Parce que on sait que dans la dunya, Allah, il donne à celui qu'il aime et celui qu'il n'aime pas. Mais la foi et la religion, et le paradis, il ne le donne que à celui qu'il aime seulement. Hein? Et donc ça, c'est ça qui est important de comprendre. Que quelqu'un peut être très riche, très fort, très beau, très grand, avoir beaucoup de bienfaits, beaucoup de bonnes choses dans la dunya, et pourtant c'est une personne parmi les personnes que Allah déteste le plus. Hein? Donc, qu'est-ce que quelqu'un détient comme richesse ou comme bien dans cette dunya, ça ne veut pas dire que cette personne-là, Allah l'a aimé. L'important c'est, au contraire, même si quelqu'un il est pauvre, il est malade, il est faible, il est pas beau en apparence, mais que la personne se tient sur la foi et sur la religion, eh bien, celui-là, il est plus aimé d'Allah que l'autre, qui est riche, beau, fort, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَفِي الصَّحِحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزُهَيْبَةٍ مِنْ تُرْبَتِهَا في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر الأقرع ابن حابس وعيينة ابن بدر وعلقمة ابن علاثة وزيد بن الخير وزيد الخير وقال أتألفهم ومنهم من يعطي أو من يعطى لما يرجى من إسلام نظائره. Donc le cheikh il dit que dans As-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, Abu Sa'id il mentionne que Ali, radiallahu anhu, il a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la poussière d'or de la terre du Yémen. Et il l'a divisé en entre quatre personnes. Al-Aqra' ibn Habis, Uyayna ibn Badr, bon, il a mentionné les noms, et il a dit, je fais ça pour les rapprocher. Hein? Je fais ça pour les rapprocher de l'islam. Il dit ensuite, وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى, il y en a d'autres à qui on a donné par espoir pour eux que leurs semblables se convertissent à l'islam. Hein? Parce que quand ils vont entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné, eh bien, des gens comme eux vont vouloir se convertir à l'islam par la suite. Parce qu'ils vont espérer eux aussi qu'on leur donne. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى لِيُجْبِي الصَّدَقَاتِ لِيُجْبِي الصَّدَقَاتِ مِمَّنْ يَلِيهِ أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم انتهى كلامه. Donc l'imam Ibn Kathir il dit également que il y en a d'autres à qui on donne pour qu'ils conduisent la zakat, bien qu'ils rapprochent les zakat ou quelque chose dans ce sens-là. Wallahu a'lam, ici je ne comprends pas très clairement qu'est-ce qu'il veut dire ici. Yu'ati li yujbi as-sadaqat mimman yalihi, ou bien pour qu'il protège les musulmans d'un méfait qui pourrait venir des limites du pays. Et les détails de cette question-là sont dans les livres de furu', c'est-à-dire les livres de fiqh. Wallahu a'lam, ta'a kalam. Ensuite, il mentionne les paroles de Ibn al-Qayyim. Il dit وَذَكَرَ إِعْطَاءَ مَغَانِمْ حُنَيْنِ لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فِي زَادَ الْمَعَادِ يَقُولُ فَإِنْ قِيلَ فَلَوْ دَعَتْ حَاجَةَ الْإِمَامِ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ إِلَى مِثْلِ هَذَا مَعَ عَدُوِّهِ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ قِيلَ الْإِمَامُ نَائِبٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَيَتَصَرَّفُ لِمَصَالِحِهِمْ وقيام الدين فإن تعين ذلك للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم ساغ له ذلك بل تعين عليه هل تجوز الشريعة غير هذا؟ هل تجوز الشريعة غير هل تجوز إيسي؟ فإنه إن كان في الحرمان مفسدة فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصنين الأصلين وبالله التوفيق انتهى كلامه. Donc ici on a posé la question, c'est pas on a posé la question, mais l'imam Ibn al-Qayyim il mentionne ce point là et il clarifie cette question au sujet du fait de donner les butins de Hunayn à ceux dont on souhaitait rapprocher les cœurs. Dans Zad al-Ma'ad, le volume 3, la page 486, il dit, et si quelqu'un pose la question ou demande, s'il y a un besoin, et que le dirigeant à un moment donné, à un moment quelconque, un dirigeant considère que il veut agir d'une manière semblable avec son ennemi, est-ce qu'il a le droit de le faire? C'est-à-dire de donner à son ennemi ou à quelqu'un qui n'est pas musulman dans le but de le rapprocher de l'islam. Est-ce qu'il a le droit de faire comme ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait? Et l'imam Ibn al-Qayyim il répond en disant, l'imam il est le responsable, l'imam na'ibun al-muslimin. Le dirigeant il représente les musulmans et il doit agir en leur intérêt et pour établir la religion. Et si il voit que on doit repousser, s'il pense qu'en faisant ça, ça va repousser un mal de l'islam et que ça va défendre les musulmans et que ça va attirer les têtes de ses ennemis vers l'islam et que les musulmans vont être en sécurité et en paix de son mal par la suite, alors dans ce cas-là il a le droit de le faire et même que c'est obligatoire pour lui de le faire. Est-ce que la charia permet autre chose que ça? Il répond en disant que si dans le fait de ne pas leur donner il y a un plus grand méfait qu'on craint, hein, on anticipe un plus grand mal, ou on anticipe un plus grand mal n'essayant pas de les rapprocher, en n'essayant pas de rapprocher ce grand ennemi-là, eh bien, il dit, ça c'est basé sur, il dit la charia est basée là, sur le fait que on doit toujours repousser le plus grand des deux mâles, hein, et prendre le moindre des deux, hein, pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus grand des deux biens qui est le dessus, et pour ne pas perdre le plus grand des deux biens à cause du moindre des deux. Donc, il dit, tous les biens de la dunya et de la religion sont établis sur ces deux fondements-là. « وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ انْتَهَا كَلَامُ » Et il y a la fatwa de Cheikh Al-Fawzan, justement, à ce sujet-là. « قَالَ شَيْخَ صَالِحْ ابن شَيْخَ Al-Fawzan لَمَّا سُئِلَ عَنْ حُكْمِ التَّبَرُّعِ لِلْكُفَّارِ بِالْأَمْوَالِ قال في الحجج القوية في الصفحة 330 إذا كان لمصلحة المسلمين ما من مانع أن ندفع شرهم حتى الزكاة يعطى فيها المؤلفة قلوبهم ممن يرجى كف شرهم الكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من المال من الزكاة التي هي فرض فكيف لا يعطى من المال الذي هو ما هو بزكاة لأجل دفع ضررهم عن المسلمين وهذا أيضا من التي يظنها بعض الجهال من الموالاة هذه مدارة لخطرهم وشرهم عن المسلمين مدارة لخطرهم وشرهم عن المسلمين انتهى كلامه. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, lorsque on lui a posé la question au sujet de donner de l'argent aux kuffars, Cheikh il répond dans un livre qui s'appelle Al-Hujjaj Al-Qawiyya, la page 330. Il dit, s'il y a un bienfait pour les musulmans de faire ça, alors il n'y a rien qui l'empêche, on leur donne pour repousser leur mal, on leur donne même de la zakat, hein, parce qu'on a le droit de donner de la zakat à celui dont on cherche à rapprocher le cœur et dont on espère repousser le mal ou cesser de faire du mal aux musulmans. Donc, le kafir dont on souhaite qu'il cesse de faire du tort aux musulmans, on lui donne même de l'argent de la zakat qui est une obligation. Donc, si on peut lui donner de l'argent de la zakat qui est une obligation, comment on ne pourrait pas lui donner de l'argent qui n'est pas de la zakat, hein, encore plus. Si on peut lui donner de la zakat, on peut lui donner de l'argent qui n'est pas de la zakat aussi, hein, pour faire en sorte qu'il cesse de faire du tort aux musulmans et dans le but de repousser un mal qui pourrait tomber sur les musulmans. Et il dit, le cheikh il mentionne ici justement Cheikh Al-Fawzan, il dit, et certains pourraient penser que ça fait partie de prendre les koufars pour alliés parmi les ignorants. Parmi les ignorants, il y en a qui pensent ça, que ça fait partie de Al-Mu'ala. Alors que ça, c'est pas Al-Mu'ala, mais c'est plutôt Al-Mudara. C'est-à-dire, de donner aux koufars de l'argent dans le but de préserver notre religion. Et ça, c'est permis, même parfois c'est obligatoire, pour repousser le mal et le danger des musulmans. Donc ça, c'est la fin de la citation. Donc, et le Cheikh Al-Fawzan il explique souvent qu'il faut bien distinguer entre Al-Mudara et Al-Mu'ala. Al-Mudara, c'est lorsque tu donnes au kuffar de l'argent pour faire en sorte qu'il que tu puisses préserver ta religion. Donc tu donnes de ta dunya pour préserver ton din. Et al-mudahana, c'est le contraire. Al-mudahana, c'est que tu donnes ton din pour protéger ta dunya. Tu donnes au kuffar ce qu'il te demande dans ta religion pour qu'il te laisse ta dunya. Ça, c'est qu'est-ce qui est interdit. C'est ça qui est interdit. Et c'est ça ce que parfois font les gens de bid'ah, les hizbiyins et les munafiqins avec les kuffars, Allah al-musta'an. الشيخ يقول قلت هذا يدخل فيما ذكره ابن قدامة وشيخ الإسلام مما ترجى بعطيته دفع مضرته دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك مما لا ينكره إلا ذو الدين الفاسد الذي لا يصلح به الدنيا ولا آخرة كما قال شيخ الإسلام. Donc le شيخ ici, شيخ عبد الله, شيخ سينان بن عبد الله, résume donc en disant que ce que le cheikh dit, ça rentre dans le même sens qu'est-ce que Ibn Qudama et Ibn Taymiyyah ont dit, du fait qu'on donne à celui dont on yani veut repousser le mal. Et on sait que son mal ne pourra être repoussé que de cette façon-là. Et celui qui renie ça, c'est la personne qui a une mauvaise religion, une religion corrompue, comme les Khawarij. Et avec cette religion corrompue-là, on ne peut rien établir, que ce soit dans la dunya ou dans de qu'est-ce qui a rapport avec l'au-delà, comme Ibn Taymiyyah l'a mentionné. Et il termine en disant وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَنْ تُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ دَفْعَ مَضَرَّتِهِ قَوْلُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم للأنصار في الخندق إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ العرب قَدْ رَمَتْكُمْ عن قوس واحدة وأن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة فإن أردتم أن تدفعوا إليه عمكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للبزار والطبراني وفيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات انتهى كلامه. قال ابن القيم في زاد المعاد ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما وجرد المراوضة على ذلك انتهى كلامه. قال القرطبي الجامع لأحكام القرآن ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو انتهى كلامه فذكر القصة. Donc ici il mentionne que parmi les exemples des dons qu'on peut donner pour repousser un mal quelconque, yani il a donné l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Ansar lors de la bataille de Al-Khandaq. Yani il a dit: je sais que les Arabes se sont tous réunis pour vous frapper tous d'un seul coup, et Al-Harith il vous demande de lui donner la moitié des dates de Médine, donc si vous voulez lui donner la récolte de votre année, donc vous pouvez yani regarder entre vous qu'est-ce que vous pensez faire par la suite. Et ça, c'est rapporté par Al-Haythami dans Majma' al-Zawa'id, le volume 6, page 191. Et il l'a cité de Al-Bazzar et de Al-Tabarani. Et dans la chaîne de transmission, il y a Muhammad ibn Amr et son hadith et Hassan. Le reste sont des hommes authentiques dans la chaîne. Fin de la citation. Et Ibn al-Qayyim, il mentionne dans Zad al-Ma'ad, le volume 3, à la page 241, que lorsque la bataille est durée longtemps, là, c'est-à-dire le siège de la bataille de Khandaq a duré longtemps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu offrir une entente de paix, hein, une trêve ou une entente à Uyayna ibn Husn et Al-Harith ibn Auf, qui sont les deux chefs de Ratfan, la tribu de Ratfan, et en échange, il allait leur donner un tiers des dates de Médine pour qu'ils s'en aillent avec leur tribu. Et donc, je pense qu'ils se sont entendus sur cela. Donc, l'imam al-Qurtubi, il mentionne ça dans Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, il dit, le volume 8 à la page 41, il est permis, lorsqu'il y a un besoin de le faire pour les musulmans, de faire une entente de paix en échange de l'argent qu'on donne à l'ennemi. Donc, on a le droit de faire une entente de paix avec un ennemi en échange de l'argent qu'on lui donne pour ça. En voulant dire que, lorsque c'est nécessaire, lorsque les musulmans ont besoin de le faire, on dit à l'ennemi, on vous demande de nous faire une entente de paix, et si vous voulez, on va vous donner telle chose en échange, de, comme si telle somme d'argent ou telle affaire en échange. Ça, c'est lorsqu'il y a un bienfait pour les musulmans là-dedans. Donc, tout ça, c'est des éléments de l'islam que les certains jeunes aujourd'hui, ou certains parmi les ignorants, ou parmi les gens de passion, ils ne connaissent pas ces règles-là. On va lire le point numéro 9, Al-Dabit al-Tasir. On va lire ce point numéro 9 aujourd'hui, puisqu'il est court, et le prochain cours, on commencera tout de suite le point numéro 10 qu'on a expliqué au début du cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, il n'est pas long, donc c'est une page seulement. Donc, on va la lire, Inch'Allah. Le point numéro 9, Al-Dabit al-Tasir, أن الإسلام يجيز للموحد المسلم أن يجير عدوا من أعداء الله الكفار فيكون معصوم الدم لا يحل لأي مسلم كائنا من كان أن يتعرض لهذا الكافر وإلا كان معترضا لأعظم الوعيد ولم يكن ذلك مناقضا لعقيدة الولاء من الكافرين وبغضهم قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Donc le cheikh il mentionne comme principe numéro 9 que l'islam permet aux musulmans qui sur le tawhid de protéger de donner la protection à un ennemi parmi les ennemis d'Allah parmi les kuffars, pour protéger son saint, et du moment qu'on lui donne cette protection-là, il n'est pas permis à aucun musulman, peu importe qui il est, de porter atteinte à ce kafir, sinon il sera sous une grave menace. C'est-à-dire que dans l'islam, peu importe quel d'entre les musulmans, que ce soit un homme ou une femme, qui décide de donner la protection à un kafir et qui lui dit je te mets sous ma protection, plus aucun d'entre les musulmans n'a le droit de lui porter atteinte parce qu'il est sous la protection de ce musulman-là. Et même si c'est le plus bas d'entre les musulmans, le plus haut d'entre les musulmans doit prendre en considération cette protection-là qu'il a donnée. Hein? Donc ça c'est le respect de ce principe dans l'islam. Et il dit que ça ne vient pas opposer la croyance de l'islam en ce qui concerne le fait de se désavouer des mécréants et de les détester. Et il dit, il mentionne le verset 6 dans la sourate Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si l'un d'entre les mushrikines te demande la protection, alors donne-lui ta protection jusqu'à ce qu'il ait entendu la parole d'Allah, puis amène-le par la suite à l'endroit de où il veut aller, où il sera en sécurité. Hein? Parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Ensuite, il mentionne des hadiths à ce sujet-là. Dirawa al-Shaykhan an Ali radiyallahu anhu qala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa zimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahum فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وذلك يعني رواه وذكره البخاري تحت باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة ويسعى بها أدناهم. قال النووي في شرح مسلم: المراد بالذمة هنا الأمان، ومعناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة. انتهى كلامه. Donc l'imam al-Bukhari, il rapporte, donc c'est rapporté par al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la protection que le musulman donne, la protection des musulmans, est comme une seule entente. Hein? Et on doit respecter celle du plus bas d'entre eux. C'est-à-dire du plus bas d'entre les musulmans, on doit respecter son entente qu'il donne à quelqu'un, un non-musulman. Donc il dit, celui qui brisera ou ne respectera pas l'entente que un musulman a donnée, hein, alors il aura la malédiction d'Allah et des anges et de tous les hommes. Et rien ne sera accepté de lui. Hein? Donc ça c'est pour dire qu'est-ce qui a été rapporté dans le hadith, dans le chapitre, hein, dans Sahih al-Bukhari, que la protection que le musulman donne, elle est comme une seule protection, et on doit respecter celle du plus bas d'entre les musulmans. Et l'imam al-Nawawi, il explique dans le Sharh de Muslim, le volume 9 à la page 136, qu'est-ce qu'on veut dire par al-Dhimma. C'est bien entendu l'entente, la protection, le pacte. Et il dit que ça signifie que le musulman, lorsqu'il donne sa protection au kafir, c'est quelque chose qui est permis, qui est correct. Et si un musulman a donné une protection à un kafir, hein, il devient interdit à un autre musulman de s'attaquer ou de porter atteinte à celui à qui le musulman a donné sa protection. Et en ce qui concerne ce genre de pacte ou de trêve, eh bien entendu, il a des conditions qui sont bien connues. Et quiconque veut savoir au sujet de Al-Aman, les conditions et les détails, dans le livre de Fiqh, il y a des clarifications à ce sujet-là. Le dernier hadith qui est rapporté, c'est Rawa al-Bukhari fi bab Aman al-Nisa بجوارهن عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقلت من هذه فقال من هذه فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. Donc ça c'est le hadith en question. C'est rapporté par al-Bukhari dans le chapitre la protection d'une femme qu'elle donne à ceux à qui elle donne leur pacte ou leur entente ou leur protection. Que Umm Hani, qui était la fille de Abu Talib, donc c'était la cousine, la cousine du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle est allée voir le messager d'Allah le jour de la conquête de la Mecque. Et elle a trouvé que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de se laver. Et sa fille, Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le couvrait avec quelque chose, elle, elle mettait quelque chose pour le couvrir, pour le cacher. Donc, Hani, elle a donné le salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qui est-ce. Et elle a dit c'est Hani, la fille de Abi Talib. Alors, le messager d'Allah a dit bienvenue à Hani, que tu sois la bienvenue. Et lorsqu'il a terminé de se laver, il s'est levé et il a fait 8 rak'at, alors qu'il était enveloppé dans un vêtement unique. Et elle a dit au messager d'Allah, le fils de ma mère, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, il prétend vouloir tuer un homme à qui j'ai donné ma protection, hein, qui s'appelle Ibn Hubayra. Pardon. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous avons donné la protection à celui à qui tu as donné ta protection, ya Hani. En voulant dire qu'on doit respecter ta protection, et moi je la respecte, je donne ma protection à cette personne à qui toi-même tu as donné la protection. Donc c'est pour dire que même la femme, lorsqu'elle donne une protection à un individu, un kafir, plus personne n'a le droit de lui porter atteinte par la suite. Donc, ça c'est un exemple. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et au prochain cours, on va revenir sur les hadiths qu'on a lus au début du cours, avec l'explication des ulama de ces hadiths-là, et le détail des règles qui sont mentionnées à leur sujet, Inch'Allah, dans le prochain cours, le cours 29. Subhanakallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et je voudrais juste mentionner que les cours qu'on fait sur ce sujet, حقيقة الولاء والبراء, depuis le début jusqu'à la fin, inshallah, c'est des cours qui sont sur un sujet très important, parce que il y a beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de généralisations qui sont faites de la part de certains. Et en particulier les jeunes, ils prennent ce sujet-là sans comprendre les détails qui sont mentionnés à ce sujet-là par les ulama. Donc, bien entendu, les savants, parfois, ils expliquent de façon générale les principes, mais il est important de clarifier les détails aussi, puisque à notre époque, on voit beaucoup d'ignorance, et les gens prennent des positions vraiment extrêmes, et donc c'est important de clarifier ça, espérons que ce soit une cause de guidance pour beaucoup de personnes, inshallah. Donc, à la semaine prochaine, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et demain, notre cours habituel de Sharh al-Fatwa al-Hamawiyyah.